difficile d'avoir accès aux transports en commun. Le droit à la mobilité est déjà reconnu dans plusieurs pays. Pour analyser cette question sous l'angle de la solidarité sociale, de l'environnement et de l'urbanisme, venez assister à une table ronde sur l'accessibilité aux transports en commun avec Émilie Frémont-Cloutier, André Bellil et Marc Boutin, qui aura lieu à l'ENAP, 555 boulevard Charest-Est à Québec, le 14 mai à 19h. Entrée gratuite. Bonjour, c'est Michel Monette avec vous jusqu'à 16h. L'Ouganda, c'est un des plus petits pays d'Afrique, mais avec tout de même plus de 40 millions d'habitants. C'est du monde, n'est-ce pas? Quand on pense à la grandeur du Québec, qu'on est à peine 8 millions. C'est des gens qui sont répartis dans une quinzaine d'ethnies qui ont chacune leur propre langue. Et aujourd'hui, je vous amène en Ouganda. C'est un pays où la jeunesse domine avec près de 2000 naissances pour 250 décès, selon les chiffres les plus récents. Sa scène musicale est variée. On y retrouve bien sûr plusieurs vedettes de la pop africaine, mais aussi des artistes qui cherchent à créer une musique originale, combinant les styles ougandais et les styles occidentaux dans ce qu'on appelle l'afro-fusion. Et c'est beaucoup ce que vous allez entendre aujourd'hui. On va débuter avec un chanteur qui s'appelle Geoffrey Oreima. C'est quelqu'un qui a dû fuir son pays. Il n'est pas le seul. Il a dû fuir son pays à toute vitesse dans le coffre arrière d'une voiture. Parce que son père venait d'être assassiné il était ministre sous la dictature. Le dictateur Idi Amin Dada a été assassiné, alors le fils a dû fuir assez rapidement, n'est-ce pas? Il a dû sortir de l'Ouganda. Présentement, il vit aux États-Unis, il poursuit une carrière de chanteur et d'activiste pour la paix en parallèle. On l'écoute dans Quel Kwayo, tiré d'un album Beat the Border. Oh, C'était Geoffrey Riema dans Quel Cuello. Là, je vais vous présenter deux chansons en ligne. Mama Tocaba d'un tiré d'un album qui s'appelle Ungada Sings, qui présente plusieurs artistes ougandais, mais aussi Chila dans Biranenge, Biranenge qui veut dire reste avec moi. Commençons par la première chanson qui est de Quella Band. C'est un ensemble qui existe depuis une dizaine d'années sous la direction de Joe Kahirim Bani. C'est plus de 11 musiciens cet ensemble et c'est un beau mélange de rumba, de reggae, de jazz, de blues, de gospel, d'afro soul. Cette année, ils ont démarré une série de spectacles qui s'appelle Guitar Maestros, Quella Junction, pardon, avec d'autres vedettes qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission. Uma Mikiyo, Kazna Zuki, Maurice Kiria. Kahirim Bani dit vouloir présenter chaque fois un spectacle plus ambitieux que le précédent. Alors, le dernier, j'ai fouillé un peu, j'ai vu comment ça se passait et c'était un assez beau spectacle, assez couru, imaginez. Donc, si d'une fois en fois comme ça, il augmente l'assistance, il augmente aussi le nombre d'artistes, ça devrait finir par donner des spectacles fabuleux que j'aimerais bien qu'on voit un jour à Québec. C'est un groupe, en tout cas. Il faut les voir sur scène. Mais avant, on va écouter Chila. Chila, c'est une chanteuse qui a été choisie comme une des 20 artistes les plus prometteuses au monde, rien de moins, en 2007, par la BBC. Elle a débuté dans le hip-hop avec un groupe qui s'appelle Bataka Squad, puis elle a choisi de bifurquer vers l'afrofusion. Étonnamment, elle ne se destinait pas à une carrière musicale. Elle a étudié. En fait, elle a fait un bac en informatique aux États-Unis avant de décider de plutôt devenir chanteuse. On l'écoute donc dans Quel Cuello. Dans Biranenge. Chila dans Biranenge. Sicha kwela biro lunaku lwe wangamba nti oyagala okubera bomu oba kiba kibe negamanyi nti zine sala zange zonna sicha kunyamba Ebigambo bimbuze mukwano mutima gwange kukunonya komawo tubenga fembi Bacho belanga tanjagala kwe bacho mbuzabuza Olusi nenkulaba ngontunulira nenga numo kufa Kuba bulicho nonya bulicho yagala Chiraba mumasogo Bela nange kawo munaku gatona gamba obaze mwenji oh oh oh fembi tuchimanyi tilibate panga tene nyo yetulize olusi obera ngali na chongamba eno bivako abantu tebachimanyi tino mutima gwange gukunonya komawo Tubenga fembi Rwacho belanga tanja gala kwe Rwacho mbuza buza Olusi nengkula bango Tunulira nenga numo kufa Kuba bulucho nonya bulucho ya gala Shiraba mumasogo Nenga tolina Nega tolina kuogera nyo Ngatonaba kuogera nyo Ngamba bigambo bibiri byoka Bera nange Bera nange Bera, bera Ebigambo bimbuze mukwano mutima gwange gukunonya komawo tubenga fembi Ngatona bakwogera nyo Ngamba bigambo bibiri byoka Bera nange Bera nange Kanagaimba, kakamba D'entendre Mama Tukaba, c'est du Kuala Band. On peut vraiment dire qu'ils font flèche de tout bois présentement à Kampala, à cet ensemble. On poursuit avec Rachel Magoula. C'est une chanteuse qui a grandi dans une famille où le papa et la maman étaient enseignants en musique. Elle-même dit avoir rêvé d'être chanteuse dès l'âge de 6 ans. On va aussi entendre Miko Uma. C'est une figure connue dans le jazz et la musique du monde contemporaine de l'Ouganda. Il a étudié la musique occidentale. Il a étudié l'instrumentation traditionnelle ougandaise. Il peut jouer plusieurs instruments traditionnels de son pays. Et ce qu'il veut, lui, ce qui vraiment sa vision musicale, c'est de marier la musique folklorique ougandaise et le jazz. Et ce qu'on va entendre, c'est une berceuse qu'il a entendue dans le nord de l'Ouganda où demeure sa famille. C'est ça qui lui a inspiré la chanson Alouro qu'on va entendre. Mais auparavant, on écoute Rachel Magoula dans Eisada. Na manana leka kwe marira visera walindo viene tukanze na wone vieseno ni voto gera butima mie ni vosiri kanda wike ni voto gera butima mie ni vosiri kanda wike Take it, Arivai. Si vous étiez attentif, vous avez sûrement remarqué que je me suis trompé dans le titre de la chanson de Rachel Magoula. Et Sada, c'est le titre de l'album. La chanson, c'est Walin Kobi. Et on écoute Uma Miko dans la très belle ballade Aluru. N'est-ce pas que c'est beau cette chanson composée par, en fait pas vraiment composée, mais arrangée par Uma Miko, pas vraiment composée parce que c'est une chanson traditionnelle du coin de pays d'où vient Uma Miko. C'est tiré d'un album qui s'appelle Uma Miko de Smooth Ugandan. On s'en va à la pause et au retour, Kaz Kasuzi, un multi-instrumentaliste. À tout de suite. 89.1 Pour bien commencer la semaine, venez vous dilater la rate à la Galerie Lounge avec les lundis comiques et la relève de l'École nationale de l'humour. Rencontrez nos futures stars du stand-up comique dans une convivialité lounge hors du commun. Procurez-vous vos billets à l'avance et profitez de la promotion 20$ plus consommation gratuite au choix. En pré-vente sur Eventbrite ou 20$ à la porte. Le 18 mai à 19h30, c'est lundi comique à la Galerie Lounge. 112 rue Saint-Paul, galerielounge.ca.

C'était Kaz Kassosi dans Cathy Osé, tiré de l'album Naked and Blue. La prochaine chanteuse qu'on va entendre, Saran Daguire, est une ethnomusicienne. D'ailleurs, elle donne présentement un atelier avec Kaz Kassosi à la fondation culturelle Bayimba, où est Kaz Kassosi, où elle est directeur. Elle joue de plusieurs instruments, ou en tout cas, elle intègre dans sa musique plusieurs instruments traditionnels Ouganda. Pensons à la dungu, qui est une sorte de harpe, la madinda, qui est un xylophone, la gogo, qui est un piano à pouce, la ngoma, qui sont des percussions, l'ndigidi, qui est une vielle monocorde. Sa musique est un hybride de modernisme et de tradition. On va aussi entendre Joël Sebungjo, qui fait partie de la génération montante de musiciens de la scène ougandaise. Il est lauréat du prix Visa pour la création 2013 de l'Institut français. Ses compositions sont une fusion entre la musique traditionnelle ougandaise et madingue. Le madingue, c'est une musique plutôt de l'ouest de la région où il est. Vous savez, l'Ouganda, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment situé dans la région des Grands Lacs. Là, c'est là où le Nil prend sa source. Et il dit lui-même qu'il a commencé à jouer très jeune avec des instruments ougandais, la madinda, le ndongo, ce qui est une lyre à 8 cordes. Il a été initié par un musicien traditionnel qui travaillait pour le Muséum d'Ouganda, puis il a été faire des études en musicologie à l'Université Makerere. Ça, c'est toujours dans la capitale de l'Ouganda. On va écouter donc Joel Sebunjo dans Lusa, Jera Medabar Sarandagire dans Niyami Jumbi. Sino si bukiri da lero, se la bête. Si si si si mbede da le lo. Zige, zige. Si lo se gira. Si lo zige, bu zige. Si lo se gira, bange. Si lo se gira. Si lo zige, bu zige. Si lo se gira, bange. Banago buduka mumengo. Kuduka musingo, banango kuduka mubanda. Nayonga jezili, zige zige zige. Oh, eh, siru sajela, siru zige zige, siru sajela bange, sajela goya bande. Abatabasi, mujeru sanyuke. Abatabasi, mujeru bebere. Siga, siga. Isi abagamba tiamwe. Unuglime kudo. Abage, isi abagamba tiamwe. Unuglime mwanyi. Isi abagamba tiamwe. Siga. Oh, mukazi mara yo kufumira yambwa. No mwana kasone yosalira. No mwana kasone kwera. Hey, nusajira ngo yambade. C'était Joël Sebunjo dans Luzajira. On va terminer cette émission avec deux chansons. Herbert Kinobe Abataka et Maurice Kiria dans Nicolinze. Maurice Kiria, il a été lauréat du prix Découverte RFI 2010. Il est né dans une famille de musiciens. Il a été très tôt sensibilisé à la musique par sa mère qui était chanteuse de gospel. Lui-même, il a commencé à jouer de la guitare, puis aussi il a appris le piano. Tranquillement, il a forgé son propre style, ce qui lui a valu d'être reconnu quand même le prix lauréat Prix Découverte de RFI 2010. C'est pas rien, n'est-ce pas? Quant à Herbert Kinobe, il joue sur la scène internationale depuis l'âge de 10 ans, du moins, c'est ce qu'il disait dans une entrevue. Parce qu'à l'âge de 10 ans, l'école, l'ensemble de l'école qu'il fréquentait a donné un spectacle dans les Pays-Bas et il dit que ça n'a pas cessé depuis d'aller à l'étranger pour jouer. C'est un virtuose multi-instrumentaliste, un compositeur de musique aussi, compositeur de paroles. Souvent, il raconte des histoires sur les gens de son pays, comme la chanson traditionnelle Abataka qu'on va entendre. En fait, c'est une chanson traditionnelle qu'il a réarrangée après une visite auprès de sa grand-mère dans le village où elle vit. Abataka, ça veut dire les aînés dans la communauté et ça exprime tout le respect qu'on leur doit. On écoute donc Herbert Kinobe dans Abataka. kabagalana bebali makabwe bebali ma oh bebali ma abatakabagalana bebali makabwe bebali ma oh bebali ma Bata mama funike munimiro ewa mulirwana Awo mutuntu bakungana ewa mulirwana Babepera basembera ewa mulirwana munimiro Babepera Basembera, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah galo, galo, galo, When you walk together, you love one another. When you walk together, you're gonna move higher. Mukwano bikunyiza simanyiye yoyoya simanyi mukwano byolota mubudde bw'ekiro ebirozo biri eyo gy'oli Saba on sabe Ulichoyo ya mukwano Kwetu bozi ya nyimba Oh, oh, oh Ndi wano kulinze Yangu wa oh, yanguwa simanyi jetulaga nkakasa mukwano unondaga simanyi chenakuwa bulichenda ba mukwano techimala mubudde bwekiro ebirozo bireyo joli manyi tyo manyi kwamba manyi kwedobozi lye nyimba oh, oh, ndi wano nkulinze yangu wa emiezo mwenda nsobole okulisa kumaso sabalugaba kunkumide kwetobozi lyenyimba voilà, c'était Maurice Kiria dans la chanson Kulunze. C'est déjà tout pour l'émission Les Oreilles ailleurs de cette semaine. On se revoit à compter de... Non, pas la semaine prochaine, je n'y serai pas, mais dans deux semaines d'ici là, je vous souhaite de passer de très beaux moments. Il y a l'émission Topic du Capricorne qui suit tout de suite après la pause musicale avec Michel Bonaparte. Au revoir. Et vous allez sur le blog hein, lesoreillesailleurs.net, vous allez trouver toutes les informations sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. À la prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. One, two, one, two, three. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 14 au 17 mai 2015, CKRL est fier de co-présenter, en collaboration avec Voir Québec, le concert Marc Ribot, Ceramic Dog. One, two, three. Le samedi 17 mai à 20h, venez entendre la musique qui déménage du trio punk rock avant-gardiste au pavillon du Mont Arthabasca de Victoriaville. Listen, man, people, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV. La Patente, atelier coopératif situé au 507 des Sables, offre une panoplie de formations personnalisées ou en petits groupes pour vous permettre de créer la patente de vos rêves en toute sécurité. Atelier d'ébénisterie, de textile, de métal, chambre de peinture, atelier d'électroinformatique et bien d'autres. Venez jeter un œil sur atelierlapatente.org pour découvrir nos formations. L'inscription est obligatoire. info@atelierlapatente.org ou 418-476-8176. Vous avez des talents cachés? Vous voulez offrir une formation spécialisée? Contactez-nous! Problème de balcon, de patio, de terrasse? Il est vieux, mangé par les déglaçants, pourri ou trop petit? Nous avons la solution.